Un gouffre insondable, c'est un jour formé par un écroulement de cavernes au milieu des laves trachytiques du centre de l'île. Le gouffre s'est fait lac. Tel est cet étrange lac Taupo, dominé par un cirque de montagnes hautes de 400 toises. Toute cette région bout comme une chaudière immense suspendue sur les flammes souterraines. Dans les eaux du lac, barbotaient des troupes de canards au plumage noirâtre, bariolés de gris et de vert. À un quart de mille, sur un escarpement de la montagne, apparaissait un pas, retranchement maori, placé dans une position inexpugnable. Les prisonniers, débarqués un à un, les pieds et les mains libres, furent conduits par les guerriers. Cette forteresse était défendue par une première enceinte de solides palissades, haute de 15 pieds. Une seconde ligne de pieux, puis une clôture d'osier percée de meurtrières, enfermait la seconde enceinte, c'est-à-dire le plateau du pas, sur lequel s'élevaient des constructions maoris et une quarantaine de huttes, disposées symétriquement. En y arrivant, les captifs furent terriblement impressionnés à la vue des têtes qui ornaient les poteaux de la seconde enceinte. La cale de Kaikoumou s'élevait au fond du pas, devint un large terrain découvert. Une seule ouverture donnait accès dans la hutte. À l'intérieur de la case, le plancher fait de terre battue s'élevait d'un demi-pied au-dessus du sol. Au milieu, un trou en pierre formait le foyer, et au toit, un second trou servait de cheminée. À côté de la case s'élevaient les magasins qui renfermaient les provisions du chef. Plus loin, dans de petites enceintes, parquaient des porcs et des chèvres, rares descendants des utiles animaux acclimatés par le capitaine Cook. Glenarvan et ses compagnons avaient embrassé cet ensemble d'un coup d'œil.